Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au 107. Nous sommes une heure sur Radio Guémozo pour l'émission La parole est à vous. Alors, avec un magazine juridique, on peut l'appeler comme ça. Oui. Bonjour, Nancy. Bonjour, Michel. Je pense que ça fait déjà la deuxième fois qu'on se retrouve. C'est ça. Pourquoi pas tous les mois? Avec grand plaisir. Ah, bah alors, donc on va programmer ça. Mois par mois, je pense, peut-être le deuxième, premier ou deuxième mardi. Enfin, oui, en fonction de l'actualité, des thèmes à développer, pas de problème. Ah voilà. Décidément, hein, c'est le temps ou quoi, mais on a tendance à avoir la gorge un peu enflammée. Alors aujourd'hui, on va aborder le problème de la répression de l'État face aux contestations politiques. Alors j'ai comme support un livre de Vanessa Cadacioni, je n'ai pas écorché son nom, hein, c'est bon. Cadacioni, je crois, oui. Cadacioni. Cadacioni, donc, qui a écrit, c'est un dossier qui est passé déjà il y a quelque temps sur les ondes de Radio France, enfin de France Inter, je crois, puis régionalement aussi. Hein. Mm-hmm. Alors, je présente... Présente Nancy quand même. Nancy, docteur en droit et avocate au barreau d'Épinal. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est bien ça. Et donc, comme je le disais à l'instant, on pourra peut-être se retrouver. Je pense qu'on va se retrouver tous les mois. Oui. Il y a tellement de choses à dire. Oui, il y a beaucoup de choses à dire, c'est vrai. Par rapport à la justice, par rapport aux libertés surtout. Et puis, je crois que tu as quand même une tendance assez forte à aller vers les libertés publiques. Tout à fait, par ma formation et de par mon enthousiasme à défendre les droits de l'homme. Alors, je voudrais quand même, puisque je cite ce livre, faire parler Vanessa Cadacioni. Donc, il ne se passe pas un seul jour sans que des militants ne se confrontent à la répression. Violence policière, arrestation, garde à vue et procès rythment aujourd'hui la vie politique et judiciaire. Aucune forme d'indignation politique n'y échappe. Des gilets jaunes aux zadistes, en passant par les écologistes, les militants solidaires, les féministes, les lycéens ou celles et ceux qui participent à des manifestations de rue, toutes et tous peuvent être confrontés à la police ou à la justice. Pour les acteurs de la répression, ce sont des casseurs, des délinquants ou des terroristes qui sont visés. Il s'agit d'un déni stratégique dont l'objectif est d'invisibiliser le caractère politique de cette violence d'État et de nier que ce sont pour leurs idées ou leurs actions que des militantes ou militants sont arrêtés, inculpés ou jugés. En analysant les mécanismes contemporains de la répression, Vanessa Cadacioni dénonce la criminalisation de la contestation politique. Étudiant finement ses principaux dispositifs, elle éclaire l'une de ses logiques majeures, la dépolitisation de l'activisme par son assimilation au terrorisme ou à la criminalité de droit commun. Voilà, on est dans l'ambiance dès qu'on a lu donc la préface de ce livre « Répression, l'État face aux contestations politiques ». Je crois que ça méritait quand même le détour parce que depuis un certain temps, c'est vrai que non seulement il y a eu de la répression policière, mais aussi le vote de loi quand même, dites anti-casseurs, qui sont particulièrement nocives aux libertés, on peut le dire comme ça. Oui, tout à fait. Je voudrais juste revenir sur cet ouvrage de Vanessa Cadacioni qui est très éclairant. Elle est maître de conférence à l'Université de Paris 8. Alors, c'est un livre qui est fouillé, qui est argumenté et en réalité qui nous démontre qu'aujourd'hui, on a tendance à dépolitiser sciemment tout ce qui est contestation politique pour en faire des délits de droit commun. On verra peut-être au fil de cette émission pourquoi, comment et quel est l'objectif. Mais c'est une sorte de témoignage, cet ouvrage, et qui démontre véritablement... Alors ça fait un petit peu peur, hein, c'est clair, mais je pense que c'est un véritable cri d'alarme aussi pour expliquer qu'aujourd'hui, dès lors qu'on conteste, dès lors qu'on veut manifester, dès lors qu'on veut exprimer des idées ou des opinions, on se heurte à cette violence, qu'elle soit policière, qu'elle soit judiciaire, qu'elle soit par l'opinion publique. En tout cas, on constate évidemment... Elle est aussi politique. Elle est bien évidemment politique, même si on nie tout ça. Mais effectivement, on se retrouve face à une escalade, en fait, de la violence que l'on voit à travers tous les manifestants. Tu l'as cité, les zadistes, les gilets jaunes, toutes les personnes qui veulent exprimer une opinion, quelle qu'elle soit aujourd'hui, par rapport à l'évolution de la société. Ou bloquer un processus. Ou bloquer un processus, se heurtent à cette escalade de la violence. Je crois qu'on ne peut pas le nier. On peut constater qu'il y a un déni de notre gouvernement face aux violences policières, ça, on l'a constaté. Mais aujourd'hui, il y a véritablement une aggravation de cette violence au sein de la société et tout le monde le déplore, bien évidemment. Alors, à ton avis, le virage a été pris quand ? Bon, on a connu dans l'histoire ce type de situation, hein, avec des lois anti-casseurs. C'était du temps de ministère de Pasqua, si je me souviens bien, en particulier. Hein, t'es un peu trop jeune pour te souvenir de ça. Si, je me rappelle de Charles Pasqua. et là, on avait l'impression qu'après 1981, bon, il y a eu aussi, par les radios locales, libéralisation de la parole sous le gouvernement de Mitterrand à l'époque. Et puis, tout doucement, là, depuis quelques temps quand même, peut-être que l'opinion... On a bercé aussi, on a imprégné l'opinion publique du problème du terrorisme, et puis assimilé les manifestations à des terroristes. On a l'impression quand même que le tournant depuis quelques années est pris, et malheureusement les libertés publiques, hein, les libertés fondamentales comme celle de manifester, hein, comme celle de faire entendre sa voix, et ne sont plus garanties. C'est clair, je crois qu'il y a eu, tu parles de tournant, moi je parlerai de glissement avec un amalgame. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à trop vouloir encadrer justement les dérives que peuvent susciter certaines manifestations, hein. Il peut y avoir de la violence en parallèle, il y a toujours eu des casseurs, hein, même dans les manifestations d'antan. Mais aujourd'hui, il y a un glissement. C'est-à-dire qu'au nom de l'ordre public, on a tendance à bâillonner ceux qui veulent s'exprimer. Et en faisant cet amalgame, eh bien, plus personne ne sait finalement où ils se trouvent. C'est-à-dire que les Black Blocs s'invitent dans les réunions des Gilets jaunes. Est-ce qu'ils sont convoqués ? Est-ce qu'ils s'invitent d'eux-mêmes ? Je ne veux pas tomber dans la théorie du complot, mais on s'aperçoit qu'ils sont bien organisés, qu'ils sont au bon endroit au bon moment. Et ça permet de dire, voyez les gilets jaunes, ils cassent tout les gilets jaunes. Non, en fait, les gilets jaunes, au départ, il faut quand même revenir à leurs revendications qui étaient bien fondées. Ils ne prenaient qu'une solidarité, ils ne prenaient qu'une liberté de parole. Ils étaient tout à fait légitimes. Et puis, de fil en aiguille, on a fini par dire, ah bah oui, mais c'est une entrave à la liberté d'aller et venir des autres personnes. Ils empêchent le commerce. Du coup, il y a de la violence. Et aujourd'hui, on fait porter sur les manifestants toutes les dérives, alors que les lois étaient faites pour encadrer les dérives. Aujourd'hui, cet amalgame et ce glissement fait qu'on assimile les dérives aux manifestants. C'est facile. Ça permet de dire et d'interdire, a priori, des manifestations sous prétexte qu'il pourrait y avoir de la violence. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une dérive, un glissement ? J'ai bien aimé ton terme glissement. Je crois que c'est celui qui est le plus approprié. Un glissement qui se fait aussi entre la responsabilité individuelle et la responsabilité collective. Je crois, hein, parce que là, on va réprimer finalement des personnes qui seraient responsables de la manifestation sans avoir participé à des dégâts, hein, et puis qui vont être cités en tant qu'organisateurs, alors que finalement, c'est très bien que dans une manifestation, comme tu le disais à l'instant, il y a certaines choses qui échappent bien sûr aux responsables qui ont déclenché la manifestation. Bien sûr. Alors la particularité des Gilets jaunes, c'était que justement, ce ne sont pas des manifestations orchestrées, organisées. C'est ça qui dérange peut-être le pouvoir politique. Bien sûr. C'est qu'aujourd'hui, c'est le peuple qui soulève. On peut parler de manifestation, on peut parler de révolte. Aujourd'hui, on a un phénomène qui est spontané, qui est naturel, qui prend une ampleur qui a dépassé le gouvernement. Et on n'a pas forcément un service d'ordre à chaque fois, une déclaration à la préfecture, un comité d'organisation bien ciblé et des gens bien identifiés sur place. C'est ça qui, je crois, a contribué à à faire un amalgame entre cette peur, à mon avis, qu'a le gouvernement d'être dépassé par ce phénomène naturel et spontané, et puis cette nécessité, que je ne nie pas, de maintenir l'ordre public. Sauf qu'au lieu de faire ça avec discernement, en écoutant les revendications des manifestants, quel qu'il soit, que ce soit les gilets jaunes ou d'autres, et en faisant en sorte que le maintien de l'ordre public soit effectif et réel, eh bien on fait un amalgame. Et puis du coup, ça permet de nier ce pourquoi finalement les personnes se sont réunies, c'est-à-dire pour faire valoir leurs opinions et s'exprimer. Voilà, alors, autre question, est-ce que par rapport aux manifestations qu'on a vues récemment, qui étaient spontanées, et d'ailleurs les auteurs de ces manifestations, enfin individuellement ou collectivement, ne se réclamaient pas des partis politiques, voulaient éviter toute assimilation d'ailleurs avec des partis politiques, des organisations syndicales et autres. Est-ce que justement ces manifestations, qui sont des révoltes, en d'autres temps on aurait parlé de jacquerie, de jacquerie, ne sont pas le fait de l'impuissance aussi des corps constitués, habituellement, dans une démocratie, de répondre vraiment aux préoccupations du peuple? Je crois que s'il y a eu ces soulèvements et ces revendications, c'est justement parce qu'on est arrivé à un système qui s'essouffle. Avant, il y avait des porte-paroles, il y avait des partis politiques, il y avait des syndicats, il y avait des relais, parce qu'il y avait du dialogue. Il y avait des commissions paritaires, il y avait des échanges, il y avait des tables rondes, il y avait, après, on débouchait ce qui devait en déboucher, mais en tout cas, il y avait de l'écoute, il y avait du dialogue, il y avait de l'échange. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Donc les porte-paroles, les représentants, les personnes qui pouvaient se faire l'écho des revendications, on va dire de la base, du peuple, des citoyens, de nous en fait, ces personnes-là se sont retrouvées un petit peu sur le côté parce qu'elles ont été, je pense, victimes aussi d'une décrédibilisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'espoir dans ce genre de représentation. On sent qu'il faut un autre système. Et notamment les Gilets jaunes, et c'est tout à leur honneur, n'ont pas voulu être récupérés par des partis politiques. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les partis politiques, quels qu'ils soient, sont à bout de souffle, je crois. Aucun ne peut véritablement fédérer leurs revendications et porter leurs demandes. C'est pourquoi ils ont voulu rester indépendants. Mais c'est ce qui a fait aussi le grand étonnement, puisque c'est quelque chose de nouveau. D'habitude, il y avait encore, en France, on a beaucoup de clivages, droite, gauche, c'est très manichéen, et ça, on voulait absolument le maintenir. Même si l'avènement d'Emmanuel Macron, qui a voulu, soi-disant, fédérer tout le monde et faire une sorte de milieu, de moyen terme, de tout ça, on voit bien que ça a ses limites, et qu'aujourd'hui, les citoyens, ce qu'ils veulent, c'est être entendus, tout simplement. Ils veulent qu'on descende voir leurs conditions de vie au quotidien, qu'on arrête les blablas, les discours stériles et les grandes leçons qu'on nous donne, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que quand les citoyens ne sont pas d'accord avec le pouvoir, on dit que le citoyen n'a pas compris. C'est facile, et on va lui expliquer la bonne parole, comme si on allait prêcher la bonne parole. Ça, c'est insupportable. Les citoyens sont tout à fait à même de comprendre, sont bien au fait des choses, et en ont assez qu'on les prenne pour des imbéciles. Parce que dans leur vie quotidienne, ils subissent des aléas que finalement eux seuls ressentent, puisqu'ils y sont confrontés. Bien sûr. Et c'est vrai que dans une société qui est devenue de plus en plus inégalitaire, on peut penser que cette révolte est finalement saine. Elle est légitime, je crois. En tout cas, il n'y a pas à la qualifier. Elle est là, cette révolte. Il faudrait l'entendre. Malheureusement, elle n'est pas entendue. Je pense qu'il y a aussi, au niveau des gouvernants, un élitisme qui fait qu'aujourd'hui, ils sont sur une autre planète que celle des citoyens. Quoi. Oui, mais du citoyen, j'allais dire de basse catégorie, mais ce n'est pas pour des... Nous tous, considérés comme des citoyens de seconde zone. Oui, et ce qui est paradoxal, c'est qu'ils n'arrêtent pas de dire qu'ils veulent réduire cette fracture, qu'ils veulent de la proximité, qu'ils veulent aller au contact des citoyens, qu'ils veulent être proches d'eux. Quand je dis « ils », c'est la classe politique dans son ensemble, parce qu'aujourd'hui, on voit très bien que nos dirigeants ne sont pas à même d'entendre véritablement les revendications. Et d'ailleurs, ils vont plus loin, ils disent que celles-ci ne sont pas claires. Je suis désolée, mais quand j'entends et quand je vois les pancartes des manifestations, je ne vois pas quels mots ils ne comprennent pas, parce que ça me paraît au contraire très très clair, peut-être trop clair justement, et il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut entendre. Et d'ailleurs, ça se caractérise aussi par la défiance de plus en plus grande des citoyens envers leurs élus, leurs hommes politiques. Oui, il y a des affections aussi à certaines élections. Ça, c'est un phénomène, je crois, qui n'est pas récent, qui s'est enlisé, enquisté au fil des années. Je pense que les dirigeants sont aussi en partie responsables parce qu'à force d'aller à la course au pouvoir, à la course à la place, à la course à la renommée, ils en ont oublié les programmes, le bon sens, la réalité, le quotidien. Et ça, aujourd'hui, comment donner du crédit à quelqu'un qui nous représente alors qu'il n'a pas véritablement saisi ce que l'on vit au quotidien ? On ne peut pas. Ce n'est pas du théâtre, la politique. Il y a peut-être une partie un petit peu de mise en scène, mais il faut du fond. Il faut que les citoyens sentent qu'il y a de la sincérité, qu'il y a de l'engagement, qu'il y a des convictions. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Là, on peut discuter, mais qu'il y a quelque chose. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est juste une place pour une place, quoi. Et ça, je crois que tout le monde en a assez. Et plus on niera ces revendications, plus on creusera le fossé. Et moi, aujourd'hui, je suis inquiète. Je suis inquiète parce qu'il y a une dérive de la société qui fait que cette violence, elle est partout. Parfois, elle est contenue. Parfois, elle explose. Elle est réprimée. Ou pas, ou plus ou moins, mais en tout cas, on a l'impression que la société française est une cocotte minute. Et j'avoue que je suis inquiète. Oui, il y a de quoi, hein, d'ailleurs. Mmh. D'ailleurs, on s'étonne même que ça dure aussi longtemps. Hein, quelqu'un disait avant... Enfin, on peut faire quand même une assimilation, une comparaison plutôt avec ce qui s'est passé... En mai-juin 68, c'est-à-dire une révolte. Là, c'était une révolte des étudiants qui s'est transformée, qui était accompagnée après par les classes populaires, en particulier, bien sûr, la classe ouvrière. Mais c'était aussi très spontané au début. Oui, au début. Ça a commencé à Nanterre pour une histoire de liberté individuelle, j'allais dire, de logement, etc. Et puis ça s'est étendu sur véritablement une société, pour dénoncer une société qui était très rigide à l'époque. Oui. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Oui, c'était pour faire évoluer en fait certains carcans qui étaient devenus des contraintes et que finalement les citoyens ne supportaient plus. Aujourd'hui, je crois que c'est un problème par rapport aux inégalités gigantesques qui traversent notre société aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un pouvoir économique qui écrase tout. Oui, et puis une mondialisation qui détruit tout aussi, forcément. Donc, les revendications sont différentes. Aujourd'hui, je pense que c'est un mal-être plus profond. Alors, je ne veux pas nier mes 68, je ne l'ai pas connu, je suis née 2 ans après. Je sais que l'année dernière, en 2018, on nous disait, on commémorait les 50 ans de mai 68 de façon, moi, j'ai trouvé un petit peu... outrancière. C'est-à-dire que oui, mai 68 a existé. Il y a eu du bon, il y a eu du mauvais. Hein. Il ne faut pas non plus vénérer et commémorer à outrance, en adulant ce qui s'est passé. Il faut reconnaître que ça a existé, qu'il y a eu du bon et du mauvais. Mais on nous poussait un petit peu à commémorer, à dire voilà, ça fait 50 ans, etc. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent que mais finalement on se lève. Notre société adore les commémorations. On n'arrête pas, mais on ne tire pas les leçons d'histoire. Alors, ça, c'est aussi un autre paradoxe. Il faudra aussi commémorer les paroles d'un certain président aujourd'hui défunt qui a parlé de la fracture sociale, qu'il fallait résorber la fracture sociale. Oui. Or, cette fracture sociale s'est accentuée au cours des années. Complètement. Il y a une différence entre les paroles et puis les actes, enfin, les faits plutôt, parce que les actes, je pense quand même que certains politiques sont sincères et voudraient faire quelque chose. Et puis finalement, au fil des années, on s'aperçoit d'inégalité qui progresse. Mais c'est bien le devoir de mémoire, c'est bien de commémorer, mais pour commémorer vraiment la mémoire de ceux qui se sont battus pour des idées ou pour la liberté de notre pays, pour leur rendre hommage, il faut en tirer les leçons. Il ne faut pas se contenter de déposer une gerbe, de chanter la Marseillaise, qui devient galvaudée d'ailleurs, parce qu'on la chante on la chante partout, et parfois pas à bon escient. Voilà, même dans les stades où ils se tapent dessus, où les supporters se tapent dessus ou insultent les joueurs. Bref, ça c'est autre chose. Mais je trouve qu'à force de commémorer, on perd la force de la commémoration, et surtout le devoir de mémoire, c'est le devoir de tirer les leçons, et justement de ne pas recommencer, et de prendre ce que nous ont enseigné nos ancêtres et nos anciens. Non, tu pouvais continuer, simplement il fallait signer au technicien qu'on allait t'accorder une pause musicale que tu as choisie. Tu veux que j'explique un petit peu mon choix ? Oui, explique ton choix. On parle beaucoup des violences aussi actuellement, des violences faites aux femmes. C'est un fléau, bien évidemment, puisque les statistiques sont accablantes et dramatiques. Je voudrais juste insister sur... 100 et quelques... Mais femmes qui meurent sous les coups de leur mari tous quasiment, les ans. Quasiment, oui. 105, c'est ça, tous les jours, il y en a deux ou trois. Et je voudrais surtout insister sur la violence faite aux enfants, parce que je ne minimise pas les violences faites aux femmes, mais je pense que la maltraitance des enfants et les violences faites aux enfants sont encore tabous. Pourquoi ? Parce que les enfants sont otages dans leur famille. Ils ont encore moins d'armes, on va dire, qu'une femme qui peut encore prendre un téléphone ou appeler quelqu'un. L'enfant, lui, une fois que les volets de la maison se ferment, il est complètement à la merci de ses bourreaux. Et il y a énormément, sans vouloir être pessimiste, il y a quand même énormément d'enfants qui sont malheureux. Je parle de violence physique, mais aussi de maltraitance psychique. Et Suzanne Vega, qui a, il y a déjà quelques années, qui a donc chanté Luca, je trouve qu'elle a réussi à expliquer cette omerta, puisque c'est encore tabou, et même les enfants sont obligés de se taire, et ce silence est encore plus cruel, finalement, en tout cas, est tout aussi cruel que les coups qu'ils subissent, ou les brimades qu'ils subissent. You don't ask why, you just don't ask. Eh bien voilà, oui, c'est reparti avec, avec Nancy, docteur en droit, avocate au barreau d'Épinal. Alors on parle de la répression, l'État face aux contestations politiques. Alors comment la loi a évolué alors, ces derniers temps ? Hein, parce qu'on parle beaucoup de cette loi qui a été votée. D'ailleurs, les organisations de défense des droits de l'homme se sont élevées contre ça. Le Conseil constitutionnel a retoqué d'ailleurs un article de la loi qui allait très loin, qui allait très loin par rapport aux libertés de manifester. Alors, où en est-on aujourd'hui ? Alors, qui a évolué, où on en est aujourd'hui, voilà. Tu parles de la loi anti-casseurs, en fait, oui. Cette loi qui a été promulguée le 10 avril 2019. La véritable dénomination de cette loi, c'est une loi visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations. Donc c'est la loi dite anti-casseurs. Donc effectivement, c'est une loi qui fait trois pages, hein, à peine. Il n'y a que 10 articles. Donc c'est pas une loi très longue. C'est une loi qui a fait couler beaucoup d'encre, puisqu'effectivement le Conseil constitutionnel a été saisi et a rendu sa décision donc le 4 avril 2019, en considérant que l'article 3 n'était pas conforme à la Constitution, puisqu'en réalité il prévoyait a priori une interdiction d'aller manifester et que par la définition... Et qui touchait les individus. Qui touchait les individus et effectivement que ça permettait d'interdire a priori, sans qu'il y ait véritablement de trouble à l'ordre public, puisqu'on était en amont de quoi que ce soit, interdire à une personne de se rendre à une manifestation. Donc, c'est-à-dire une présomption. Une présomption, oui. Quelque sorte de culpabilité, ce qui n'est quand même pas possible en droit français. Voilà, en fait, si je veux être puriste, je peux lire en fait cet article 3 qui permettait à l'autorité administrative, alors sous certaines conditions, d'interdire à une personne de participer à une manifestation sur la voie publique et dans certains cas de prendre part à toute manifestation sur l'ensemble du territoire national pour une durée d'un mois. Donc c'était quand même très très répressif et c'était théoriquement de la prévention, sauf que on parlait d'une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, mais que par définition, cette menace n'était pas caractérisée puisqu'on était véritablement, encore une fois, en amont. Ce qui fait que le Conseil constitutionnel a considéré que ces dispositions laissaient à l'autorité administrative une latitude excessive dans l'appréciation des motifs susceptibles de justifier l'interdiction. Donc cet article 3 a purement et simplement été déclaré non conforme à la Constitution. Mais reste quand même deux articles phares hein, sur les 10 autres, en fait, c'est 9 autres. On a un article 2 qui permet de procéder sur les lieux d'une manifestation ou aux abords directs, donc par des officiers de police judiciaire ou des agents de police judiciaire, les deux, à des fouilles, à des inspections visuelles des bagages, des personnes et de leurs fouilles. Et visite également des véhicules, donc stationnés à proximité ou directement sur la voie publique lors des manifestations. On ne peut pas s'y opposer. Non, cet article 2 permet justement une fouille des véhicules, des sacs, des personnes, dès lors qu'ils se trouvent sur les lieux d'une manifestation ou aux abords directs. Même s'il ne participe pas à la manifestation. C'est de la prévention. En tout cas, ça permet théoriquement, comme le dit l'article 2, aux fins de recherche et de poursuivre une infraction pénale. Mais par définition, ces fouilles sont devenues légitimes, autorisées. On a aussi l'article 6 qui a fait couler beaucoup d'encre, puisque c'est une modification en fait du code pénal qui punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour une personne, toujours pareil, aux abords immédiats ou dans une manifestation, de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime. Alors là, évidemment, c'est aussi pour viser les personnes cagoulées, notamment les Black Blocs qui sont habillés de pied en cap tout en noir et dont on ne voit même pas les yeux souvent. C'est vrai que ça permet peut-être un anonymat qui génère souvent un peu plus de violence, puisqu'on sait par définition qu'on ne sera pas poursuivi pour les actes répréhensibles qu'on pourrait commettre. Donc ça permet de dissimuler. Après, c'est une question de combattre la dissimulation. Plutôt, après, c'est une question aussi de répression et de faire en sorte que... De faire en sorte que l'identification des personnes soit possible, en tout cas. Si elle ne peut pas être faite pour tout le monde, bien évidemment, mais en tout cas, soit rendue plus facile et plus efficace. Alors, c'est vrai aussi que dans les manifestations, on peut s'étonner, d'ailleurs... D'ailleurs, on a, certaines émissions ont été consacrées aux Gilets jaunes, ici, dans les studios d'RGM, à savoir que des jeunes qui participaient pour la première fois à une manifestation ont été véritablement acculés chez un commerçant, etc. Il y avait des casseurs. Hein, des casseurs qui étaient venus d'on ne sait où d'ailleurs. Hein. La police, bien sûr, tapait sur tout ce qui bougeait, pas forcément sur les casseurs. Hein, et puis ces personnes-là se retrouvaient refuge dans un magasin qui avait été vandalisé, entre parenthèses. Et c'est même le propriétaire du magasin qui les avait abrités à la cave. D'accord. Qui les avait abrités à la cave parce qu'ils étaient poursuivis, alors qu'ils n'étaient pour rien du tout dans la manifestation. Ouais. On peut s'étonner aussi de la présence de ces provocateurs, parce qu'on peut dire ça, de ces casseurs provocateurs, parce que je me souviens, alors que j'étais jeune militant, d'une manifestation des Lorrains à Paris en particulier, manifestation très encadrée par les organisations syndicales, bien sûr, puisque c'était pour dénoncer en particulier la perte des emplois dans la sidérurgie, dans le textile vosgien. On voit surgir des bandes comme ça, toujours avec, j'allais dire, en uniforme, en quelque sorte un uniforme. Oui. Alors on nous disait là que c'était vraiment des provocateurs qui étaient des polices parallèles, etc., du ministère de l'Intérieur. On ne peut jamais savoir la vérité, mais ce qu'il y a de bizarre, c'est que ces personnes-là ne sont jamais inquiétées par la police. Oui, il y a des phénomènes. Bon, ces phénomènes de casseurs, de perturbateurs, de personnes qui profitent en fait d'une légitime manifestation pour se défouler, hein, ou pour faire. Il y a ça, mais il y a peut-être aussi. Et peut-être d'autres... aussi des gens qui sont là pour déstabiliser, bien évidemment. Bien sûr, oui, là aussi. Déstabiliser les manifestations. Ça a toujours existé. Bien sûr, ça a toujours existé. Aujourd'hui, on fait semblant de découvrir. On fait semblant de dire « Oh, ben, on ne peut rien faire contre ça, c'est dramatique, oulala ». Oui, non, en fait, on peut faire des choses, je pense, puisque ce sont des phénomènes qu'on connaît bien. Et si on veut véritablement discerner entre la manifestation pacifique qui est là simplement pour faire valoir des droits et faire valoir la liberté d'expression de tout un chacun, et puis des gens qui sont là venus pour casser sciemment, appeler ou pas appeler, hein, c'est ce que je disais par rapport aux Black Blocs tout à l'heure, c'est qu'on ne saura jamais. On ne sait pas si on veut aussi déstabiliser la manifestation en faisant qu'elle dégénère. Évidemment que si elle dégénère, ce sera beaucoup plus facile de l'interdire. On a vu comme ça des mouvements qui ont été pénétrés effectivement par les forces de police, enfin par des forces de police du ministère de l'Intérieur. Ça existait tout le temps. Ça a toujours existé. Peut-être que les réseaux sociaux amplifient les choses, parce qu'effectivement aujourd'hui c'est facile de donner rendez-vous entre guillemets à des personnes venues de part et d'autre et à un volume de personnes important grâce aux réseaux sociaux qu'il n'y avait peut-être pas effectivement avant l'avènement de ces réseaux, mais en tout cas ça a toujours existé. Donc je pense que se servir de ce prétexte-là pour interdire la liberté de manifester, un, c'est disproportionné, deux, c'est mensonger, parce que quelque part on a les moyens aussi de faire en sorte que les manifestations se passent bien. De séparer le bon grain de l'ivraie. Tout à fait, il y a moyen. Et je crois qu'aujourd'hui, par rapport à cette violence croissante, certains s'en servent aussi justement pour légitimer des décisions qui sont en réalité liberticides. Alors, finalement, pour ceux qui sont arrêtés, qui sont transférés devant la justice, est-ce que les risques sont si importants que ça? Est-ce que véritablement la justice va devoir suivre à la lettre cette loi anti-casseur? Sur cette loi, on n'a pas encore assez de recul. En revanche, sur les manifestations, on a quand même quelques exemples. On s'est aperçu que systématiquement, il y avait des interpellations, il y avait des gardes à vue, il y avait même des mécanismes préventifs. On a vu par rapport au G7, il y avait carrément des baraquements, des Algeco, qui étaient mis à disposition pour que le traitement en temps réel, sous forme de comparution immédiate, soit véritablement bien orchestré pour que les éventuels... Euh, dramatique à ce point-là. À ce point-là, c'est-à-dire qu'on a mis en œuvre, enfin, ils ont mis en œuvre ce genre de baraquement. On a réquisitionné les avocats pour qu'ils soient tous sur le pied de guerre et soient tous de permanence pour les gardes à vue. Et un traitement, on va dire, expéditif, parce que pour moi, j'estime que c'est expéditif et systématique. Non, parce que c'était d'accord. À Biarritz et c'était le barreau de Bayonne. Mais en tout cas, on s'aperçoit que... Parce que dans les Vosges, il y a quand même eu quelques manifestations qui ont été... quelque peu dégénéré. Tout à fait. Il y a eu des gilets jaunes qui ont été devant le tribunal correctionnel. Et là encore, on s'aperçoit d'une certaine sévérité face à ces délinquants, certes, mais la plupart du temps, ce sont des primo-délinquants. Ce sont des gens qui étaient là uniquement pour... Qui sont considérés comme des droits communs. Voilà, et qui sont considérés comme des droits communs. Je citais tout à l'heure en aparté cette observatrice qui était mandatée par une organisation de défense des droits de l'homme. Elle était juste observatrice sur une manifestation. Alors, c'était à Paris, là, pour le coup. Et elle a un statut plus protecteur, forcément, puisqu'elle est là simplement pour observer et rendre compte. Et elle a quand même été poursuivie pour entrave à la circulation. Donc, on se demande bien pourquoi. Elle devait être sans doute là, au mauvais moment, au mauvais endroit. On n'avait pas réussi à, quelque part, l'empêcher de faire son travail, parce que c'est quand même un travail important d'observer et de rendre compte. Et du coup, elle a été poursuivie pour entrave à la circulation, qui est un délit, on va dire, qui est un délit de droit commun et qui n'avait rien à voir avec sa mission ce jour-là. Donc, on se sert, en fait, du droit commun pour catégoriser et en réalité, poursuivre les manifestants sur d'autres bases. On leur interdit les attroupements, on leur interdit un certain nombre de choses pour uniquement cadenasser en fait ces mouvements et les traduire en justice de façon souvent assez expéditive. Oui, et puis il faut faire des exemples. Il faut faire des exemples pour dissuader de manifester, hein, concrètement. C'est ce que dit aussi Vanessa Codaccioni dans son ouvrage. Elle dit qu'aujourd'hui, le délit politique est de plus en plus mis de côté au profit d'une volonté de diaboliser les manifestants. Elle parle de pathologisation de la société en disant finalement que les manifestants sont des extrémistes, sont des terroristes, sont des fous, hein, limite. Voilà. Et du coup, on finit par diaboliser tellement les personnes qu'on en vient à nier finalement leur simple droit politique d'aller, comme tout citoyen, manifester et s'exprimer. Et ça aussi, ça fait peur. Ça fait peur, oui, pour l'avenir, parce qu'on peut se dire aussi que on arrive à des extrêmes, oui, hein, de la part, oui, du pouvoir politique, de l'État, oui, face à ces contestations politiques qui détournent de plus en plus la contestation politique pour en faire des sanctions de droit commun. Tout pour à arriver fait. À des sanctions de droit commun, plutôt. Tout à fait. Et alors, je suis solidaire des policiers qui ont manifesté, parce que c'est vrai que quand on voit, ne serait-ce que pas loin, au commissariat de Remiremont, ça d'avoir fait le 20h à TF1, où il n'y a pas de moyens, où effectivement, nous-mêmes, avocats, on n'a pas de bureau pour s'entretenir avec les gardés à vue. C'est très compliqué. Ils n'ont pas de gilet pare-balles, ils n'ont pas de dotation, etc. En revanche, là où je les soutiens aussi, c'est qu'il ne faudrait pas qu'ils soient toujours le bras armé de l'État, où on les envoie, alors on envoie les CRS, mais on envoie aussi la BAC, hein, maintenant sur les manifestations, pour pouvoir ensuite réprimer ces manifestations. Et aujourd'hui, l'État se sert, en tout cas nos dirigeants, se servent, je pense, aussi de cette violence pour, et des bras armés, c'est-à-dire des policiers, pour, on l'a vu, piétiner une vieille dame qui voulait manifester. Diviser la société, et puis... Tout à fait, montrer... Tout à fait. Et puis créer une hostilité vis-à-vis des forces de police qui sont bien obligées de faire leur travail, au ministère de l'Intérieur. Voilà, de pouvoir de faire leur travail, mais du coup, leur travail, ce n'est pas de tabasser les gens, bien évidemment. Hein. Leur travail, au départ, c'est de maintenir l'ordre. Mais s'il y a une certaine personne proche de l'Élysée avait démontré comment il fallait tabasser les gens, non ? C'est ça, mais il veut se présenter au municipal, mais ça ne choque personne. Bon, sauf peut-être nous. Pas des barbouzes, il y en a toujours eu, mais là, je crois qu'aujourd'hui, on a atteint quand même des sommets, je pense. La société, et d'où la défiance, et d'où le clivage. Alors, pour moi, c'est même plus une fracture sociale, c'est une atomisation sociale. J'ai l'impression qu'il y a un émiettement, un éclatement de la société, et qui parfois est également, je dirais, prôné, parce que c'est plus facile, évidemment, de diriger une société qui est divisée. J'ai été frappé, si tu veux, par... Mais ça, on le ressentait, hein, parce que j'ai participé un petit peu à court défendant à une réunion, une fameuse réunion qui a eu à l'initiative du pouvoir politique, hein, pour disserter sur justement, pour prendre la température de la société. Hein, par la composition de ces assemblées. Hein. Quand on n'avait pas, bien sûr, des élus ou des militants de la République en marche, j'ai tendance à dire, mais ça c'est mon engagement personnel, la République en marche arrière, on avait l'impression quand même que c'était une catégorie sociale assez favorisée qui était dans ce type de réunion, et très peu finalement de gilets jaunes. D'ailleurs, les gilets jaunes y participaient peu. Et donc, on a eu ces épisodes de concertation. En fait, c'était une fausse concertation par rapport à ce qui devait s'exprimer dans la société. Oui. À ce que voulaient exprimer en particulier les gilets jaunes, mais pas seulement. Bien sûr. Toutes ces réunions sont souvent des réunions convenues avec des personnes triées sur le volet, avec tout est orchestré, il y a une mise en scène. Je vais plus loin que toi, tu parles en marche arrière, moi je parle d'en panne, hein, carrément. La République aujourd'hui, la République aujourd'hui, elle est en panne. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour la remettre d'équerre et qu'elle avance, parce que c'est vraiment très très important. Et je pense que peut-être que la parole de tout un chacun, les actions de tout un chacun pourront, je veux garder l'espoir en tout cas, pourront faire avancer les choses, parce qu'on a une société qui est en train de devenir violente, de devenir, on a l'impression que... On devient des sauvages, qu'on régresse, on n'écoute plus les sachants. On voit ce qui s'est passé à Rouen. Enfin, je ne veux pas faire de politique ici, mais on a une décrédibilisation aussi. On écoute uniquement les dirigeants. Mais bon sang, il y a des scientifiques, il y a des chercheurs, il y a des experts. Écoutons ces personnes-là, et dans tous les domaines. Pas que dans le domaine chimique ou technique, dans tous les domaines. Aujourd'hui, on n'écoute plus les gens, on n'écoute plus les sages, on n'écoute plus les sociologues, les philosophes. On pourrait dire quand même que ce n'est pas nouveau non plus. Hein. Ça s'aggrave. Moi, je trouve que ça s'aggrave. Avec l'explosion de Tchernobyl, on a bien dit que de toute façon, que le nuage... Hein. Oui, c'est clair. On nous avait dit que ça s'arrêtait à la frontière. Parce que les experts estimaient que les doses de radioactivité, en particulier, étaient estimées en France, non pas d'un point de vue international, mais sur des normes françaises, puisqu'on était un État extrêmement nucléaire. Et donc, à partir de ce moment-là, il fallait que les normes ne soient pas identiques à celles qui étaient prônées dans d'autres pays. Oui, ouais. Mais les experts... Et donc, à partir de ce moment-là, le nuage de Tchernobyl n'a rien fait sur la France. Oui, oui, mais ça, ce sont les experts qu'on a fait témoigner et auxquels on a donné crédit. Par exemple, il y avait des experts qui disaient le contraire. Hein, on n'a pas écouté, il y a des experts indépendants. Et je crois que là aussi, trier les experts et donner la parole qu'à ceux qui vont dans le sens de la décision, c'est déjà aussi bâillonner les libertés publiques. Des experts indépendants, il y en a, des gens qui peuvent faire des expertises... tout à fait impartial. Je voudrais revenir justement sur l'IGPN, parce qu'il y a un lien avec notre sujet. En France, l'IGPN fait des enquêtes. Elle en a, je crois, en cours 229. J'avais relevé les chiffres. La police des polices. Celle qui est appelée communément les bœufs carottes. Voilà, sauf que la police des polices sont des policiers. Dans d'autres pays, comme en Angleterre, ce sont des entités qui sont indépendantes, avec des compositions, avec il y a des citoyens, il y a des juristes, il y a un peu de tout. Aujourd'hui, on s'auto juge, on s'auto enquête, justifie. Voilà. Comment peut-on être crédible par rapport à ça? On ne peut pas être crédible. Alors on dit la France, terre des droits de l'homme. Oui, certes, mais aujourd'hui, une autorité indépendante pour faire la lumière sur ce qui se passe dans certaines manifestations, je pense que ce serait aussi une bonne chose. Bon, il y a les réseaux sociaux. La question que je voulais te poser, le fait de prendre des photos, est-ce que ça pourrait être un délit? De plus en plus, il y a des photos, il y a des vidéos. Ah, parce qu'il y a quand même des saisies de portables, d'appareils photo. Hein. À partir du moment et même des journalistes qui ont été... ils ont été aussi bien molestés par la police que par les manifestants, certaines fois, puisque de toute façon, même les médias ont été décrédibilisés aussi par les manifestations des Gilets jaunes. Hein, mm-hmm. C'est-à-dire qu'ils ne rendaient pas compte forcément de tout ce qui se passait. À partir du moment où il y a des vidéos, des photos, de toute façon, ça permet aussi de faire la lumière sur plein de choses. Aujourd'hui, les CRS sont équipés de caméras aussi pour retracer ce qui s'est passé lors des interpellations ou lors des manifestations. Je pense que ce sont des témoignages qui sont des témoignages assez objectifs. À partir du moment où la scène est vécue en direct, une image est toujours plus parlante qu'un compte-rendu ou quelque chose qui serait retracé après coup. Mais... tout peut être légitimé dès lors que le but, c'est le maintien de l'ordre. Après, c'est une question de proportionnalité et de réplique nécessaire à un trouble à l'ordre public. Donc le fait que, par exemple, un journaliste, systématiquement, on lui enlève sa carte numérique, sa carte SIM de sa caméra, enfin, c'est pas comme ça que ça s'appelle, mais enfin bon, à ce moment-là, ça peut être justifié s'il y a un trouble à l'ordre public, mais ça peut vite dériver pour justement éviter qu'on ait des preuves, parce que l'image est une preuve, bien évidemment. Et c'est pour ça qu'il faut être très vigilant, et c'est pour ça qu'il faut être très attentif à ces dérives, parce que la ligne jaune, elle est ténue, hein, la frontière, elle est facile à franchir, et je pense que seule la vigilance et de l'esprit critique et de la libéralisation de la parole, et tout ça pourront être des garde-fous, sinon, effectivement, on peut aller très loin. On va s'accorder une pause musicale. Tu veux un petit commentaire par la prochaine pause musicale? Alors là, c'est un film qui m'a marqué. Je l'ai vu quand j'avais 19 ans. Donc à 19 ans, je me suis dit, ce film me marquera. Maintenant, à 49 ans, je sais que ce film m'a marqué. C'est Rain Man, je pense que tout le monde connaît. Et c'est la bande originale du film de Hans Zimmer. J'aime beaucoup sa musique. Il a travaillé aussi sur Green Cards. C'est simplement un extrait entièrement orchestral. Mais ce film est d'une portée, je pense, justement sur le handicap, sur l'acceptation. Sur plein de choses, et à l'heure actuelle, ça reste encore mon film préféré 30 ans après. Thank you. Ah ben c'est reparti. Voilà, avec Nancy, Nancy Rizacher, donc avocate au barreau d'Épinal, docteur en droit, et on parle quand même d'un sujet qui est particulièrement grave, je pourrais dire, dans la période, c'est la répression. La répression, l'État face aux contestations politiques. Voilà, hein, et on s'est inspiré beaucoup du livre de Vanessa Cadacioni. Alors, Cadacioni, elle est... Cadacioni, oui, elle est maître de conférence à l'Université de Paris 8. D'accord. Oui. Et journaliste aussi. Journaliste, vous pouvez oublier, elle a publié ce livre-là, et d'ailleurs, la sortie du livre a fait l'objet de débats, enfin, surtout de conférences et de débats. Voilà, alors, face à cette... on pourrait dire de violence d'État, hein, parce que violence policière, finalement, la violence policière, ça, c'est la traduction d'une violence d'État face aux contestations politiques. Tout à fait. Est-ce que véritablement le manifestant, celui qui est cité devant la justice, hein, qui estime n'avoir rien à se reprocher, hein, qui est simplement d'être là au mauvais moment, mm-hmm. on pourrait dire, hein, est-ce qu'il y a des... Et puis ceux qui ont été blessés dans les manifestations, ils ont quand même été extrêmement nombreux. Oui. L'usage aussi d'armes que l'ONU maintenant estime qu'il devrait être prohibé. Oui. Est-ce qu'il y a des possibilités de recours contre ça? Alors, malgré la loi. C'est le décalage. C'est-à-dire que quand vous êtes manifestant, vous êtes traduit en comparution immédiate, la répression est systématique, elle est rapide. Le décalage, il est surtout temporel. C'est-à-dire que lorsque vous êtes victime, il y a eu des gens mutilés, il y a eu des gens qui ont perdu des membres. Comme tu le disais, les lanceurs de balles, hein, les fameux LDB, sont interdits. Donc, effectivement... Devraient être interdits. Mais en fait, ils sont interdits malgré tout. Et du coup, il y a quand même une utilisation, comme les grenades de désencerclement qui devraient être lancés au sol et qui sont lancés en cloche, donc ils font véritablement beaucoup plus de dégâts qu'elles ne devraient le faire. Par rapport à ça, le manifestant, en tout cas la victime, hein, on va parler de victime, puisqu'il y a des gens qui ont été piétinés, il y a des gens qui ont été mutilés, a la possibilité de saisir la justice. Et là, le décalage temporel dont je parlais se met en marche, c'est le cas de le dire, c'est un mauvais jeu de mots, mais se met en lenteur, puisque là, soit les plaintes sont classées sans suite, soit lorsqu'elles sont faites avec constitution de partie civile devant les doyens de juge d'instruction, on s'aperçoit qu'il y a des fixations de consignation, c'est-à-dire des sommes à s'acquitter en amont et qui sont souvent élevées, en tout cas élevées pour tout un chacun qui est déjà obligé de payer. Comment le juge fixe cette somme? En général, il fixe comme il le souhaite. On a des sommes, on peut avoir alors 300 euros, 400 euros. Ça dépend. Ça dépend en réalité du juge d'instruction. Et de la nature de l'affaire? La nature de l'affaire, oui, mais en tout cas, c'est un pouvoir souverain des juges. Donc à ce moment-là, la consignation peut être un barrage, un frein à la poursuite de la procédure devant la justice. Sachant que bien sûr, le procureur, qui est quand même un peu... qui est un peu quelque part, même s'il s'estime indépendant, l'instrument du pouvoir, classe sans suite les plaintes. Le procureur peut classer sans suite, le procureur peut aussi... Alors, être lent dans l'instruction après, c'est-à-dire que même s'il a décidé de renvoyer... On parle d'une instruction souvent qui dure 2 ans. Ça dure plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est pour ça qu'on n'a encore pas non plus de recul par rapport à tout ça, par rapport notamment aux gilets jaunes, mais on a quand même des éléments qui nous font penser que là, je crois qu'il y a 60 enquêtes qui sont clôturées, qui ont été transmises au parquet et qui sont pour le moment... en attente de traitement par les parquets. Donc tout ça, c'est très long. Ça sert aussi, bien évidemment, à décourager les victimes, hein, parce que ça veut dire aussi qu'il faut faire appel à un avocat, ça veut dire aussi qu'il faut monter un dossier. Et là, la justice n'est pas gratuite. La justice, pour le coup, n'est pas gratuite. La justice, elle est déjà lente en temps normal, en principe, mais du coup, là, elle est encore plus lente. Et puis, il y a aussi un outil qu'utilise l'État, c'est de saisir, enfin, de demander systématiquement à l'IGPN d'intervenir. Et là, du coup, ça permet des enquêtes, mais des enquêtes qui là aussi s'enlisent et les mois passent et du coup on est obligé d'attendre le rapport de l'IGPN pour pouvoir ensuite poursuivre en justice. Donc c'est très compliqué. Ce sont des moyens aussi pour dissuader. Hein. On a vu tous les moyens en amont pour dissuader de manifester. On a aussi les moyens pour dissuader de faire valoir ses droits lorsqu'on a été victime. Alors le rôle de l'avocat dans tout ça. Ben, l'avocat, j'ai plein de confrères qui se battent aussi, qui essayent de faire avancer les choses. Mais dès lors, vous échangez sur ce type de problème? Alors, on échange, oui. Alors, pas parfois, pas directement, parce qu'on ne se connaît pas tous. Oui. Mais via, encore une fois, les réseaux sociaux et les moyens de communication, oui, bien sûr. On est tous conscients de ces difficultés aujourd'hui. Simplement, il faut faire avec. Et puis, il faut surtout être tenace. Et si il faut être persévérant, ben, nous serons pugnaces et persévérants, parce qu'il faut un moment donné que les droits de tout un chacun puissent être respectés malgré les obstacles, malgré les lenteurs, malgré les surtout dissuasions. Surtout ceux des victimes. Mais bien sûr. Quand on voit aujourd'hui, alors j'ai découvert ça récemment, que pour un accident de la route, il faut compter 6 mois pour avoir un PV d'enquête. Ah mais c'est sûr que voilà, il y a quand même des lourdeurs qui sont inexplicables. Oui, pratiquement. Oui, c'est très long. Alors parfois, il faut pas confondre vitesse et précipitation. Je suis d'accord que certaines affaires nécessitent des instructions. Plus. Voilà, il y a des investigations, il y a des instructions, il y a des choses à faire et il ne faut pas tout mélanger. Mais quand c'est véritablement une volonté de ralentir le processus, là, ça devient intolérable. Oui. Voilà. Que dire encore? Enfin, il nous reste encore quelques minutes. Oh, à peine. Hein. Je crois qu'il nous reste plus que... Oui, il reste un peu plus de 2 minutes. Bon, on pourra donner rendez-vous... Rendez-vous le mois prochain. Mais avec grand plaisir. Hein, comme ça. Quel sujet tu voudrais aborder? J'ai quelques idées, moi, mais je te laisse la préférence. Donne-moi tes idées, si tu veux. Non, moi, j'ai pas mal de sujets. Je pensais justement au problème de violence dans le couple, etc. Hein, puisque tu as évoqué la violence envers les enfants. Je crois que c'est toujours d'actualité. Ça pourrait être une possibilité. Quelles possibilités ont les femmes, par exemple, de saisir la justice en particulier, enfin de saisir aussi les forces de l'ordre, etc., quel accueil, etc. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse bien évidemment et qui est d'actualité aussi. J'avais pensé aussi à tous les débats autour de la PMA actuellement, parce qu'au-delà d'un texte de loi, on va dire, c'est toute une mutation de la société, tout un phénomène sociétal, une reconstruction, je crois qu'on minimise un petit peu le changement de ces textes qui passent de façon un petit peu technique, mais qui derrière ont des implications bien au-delà de ce que le droit peut apporter. Et c'est vrai que j'aimerais aussi en parler, parce que la notion de famille et de suite finalement de l'humanité, puisqu'on parle beaucoup du climat, on parle beaucoup de ce qu'on va laisser pour les générations futures en termes d'écologie. Oh, c'est qu'on en mais parle. Qu'est-ce qu'on va laisser aussi en termes de valeurs, en termes de société, en termes de vivre les uns avec les autres, de respect, encore une fois, des droits, des libertés fondamentaux? Qu'est-ce qu'on va laisser? Moi, c'est ça qui me préoccupe aujourd'hui. Quelle société on laisse? S'il y a un ensauvagement de la société, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas aussi les garants, encore une fois pour les générations futures, mais aussi pour nous, de pouvoir faire en sorte que la société qu'on va laisser sera meilleure et pas pire? Eh bien voilà, rendez-vous le mois prochain. Rendez-vous le mois prochain avec grand plaisir, Michel. Merci à Nancy de sa participation. Merci à vous, au revoir. Quant à moi, je vous souhaite une très très bonne fin de soirée à toutes et à tous. Et puis je vous donne rendez-vous mardi prochain pour l'émission La Parole est à vous. Sachant que ce magazine qu'on va baptiser juridique donc, a été enregistré. Et que le troisième mardi d'octobre, eh bien, ça sera un magazine santé avec notre partenaire Jean Tisserand. Voilà. Thank you.